Vous avez choisi ? Oui, moi je vais prendre un menu. Et moi le plat du jour. D'accord. Pour le menu, qu'est-ce que vous prendrez en entrée ? La salade. Et ensuite ? Le poisson. Et comme dessert ? Une salade de fruits. Madame, vous prendrez un dessert également ? Dans la salade de fruits, les fruits sont frais ? Non, madame. Alors rien pour moi, merci. Et comme boisson ? Un verre de vin et une carafe d'eau, s'il vous plaît.